Tout le monde va bien ? Merci pour la prochaine, si je peux votre aide. Et Fred Chapelier au chant et à la guitare. Ça se passe comme ça, au Blues Café Live. Merci beaucoup les amis. One, two, time to party, three, time to party. Four. Bonsoir à tous et bienvenue, vous êtes bien dans votre rendez-vous avec le blues en live et en public. Oui, bonsoir à tous, comme l'a dit Cédric. Cédric, écoute, ce soir nous recevons une sorte de touche-à-tout des musiques vivantes, que ce soit dans le folk, le blues, mais aussi le jazz, le reggae et la world music. Un type vraiment, franchement, très éclectique. Et tu peux rajouter encore, Francis, qu'il est multi-instrumentiste, auteur-compositeur, et qu'il joue de plusieurs instruments, certaines fois, même à la fois. On en verra quelques-uns ce soir. Et puis, on pourrait aussi rajouter qu'il n'aime rien de moins que de surprendre en différentes formations. Oui, c'est un type absolument passionnant et très attachant. Il peut jouer en solo, en duo, en trio, en quartet, comme ce soir dans le Blues Café. Mesdames et messieurs, nous vous demandons d'applaudir notre invité de ce soir, Lorenzo Piccone, au chant et à la guitare. bonsoir. Something to say. There is something going on around my head, night and day. Working every day, that's what I got to do. Feel like I'm losing any point of view. But when I come home and I see you walking by, I got my peace of mind. Oh, I got my peace of mind. Every day. The first step out of my door will reveal how it will be today. Rain is falling down the outskirts of town. Mix the feelings up and down. But when I come and I see you walking by, I got my peace of mind. Oh, I got my peace of mind. Il est ce soir notre invité dans le Blues Café Live. Il y a Lorenzo Picon au chant et à la guitare. Il va nous parler notamment de ce nouvel album Soul Searching. Et on peut citer également ses musiciens. Il y a Federico Fugassa à la basse, Andrea Marchesini à la batterie, pas facile, hein, et Giovanni Pastorino au clavier. Et avec Lorenzo Picon, nous poursuivons ce que nous avons commencé lors de l'émission du mois dernier. C'est une série spéciale Blues Made in Italia. Absolument, on va peut-être se délocaliser en Italie. Oh bah pourquoi pas, je t'amène au week-end à Rome, tous les deux sans personne. Bon alors Lorenzo, tu as commencé en fait à l'âge de 12 ans, tu en as 30 d'ailleurs, je crois que c'est cette année que tu as tes 30 ans. Et pourtant, curieusement, tu as découvert qu'il n'y a pas si longtemps que ça en France. Et je voudrais citer la personne qui nous a fait découvrir Lorenzo Picone, parce que c'est un grand ami, il s'agit d'Antonio Amat, le programmateur est responsable du Cabane Blues Festival au sud d'Avignon. C'est un festival qui se passe dans des arènes. Comment tu expliques justement qu'on ne t'ait pas vu plus souvent en France ? Ecco, dici che hai incominciato la musica a 12 anni, hai 30 anni adesso, buon compleanno. Grazie. Quest'anno. Dunque, dice, ti ha incontrato, ti ha scoperto grazie a Antonio Amat. Sì. Che ti ha incontrato in Spagna, mi dice, e dunque Antonio Amata gli ha detto: ma devi assolutamente invitare Lorenzo Picone, che è favoloso. E come mai non ti abbiamo sentito in Francia prima? Io ho iniziato a suonare la chitarra a 12 anni e poi ho lavorato in fabbrica per 6 anni. Ho lavorato in una fabbrica petrolchimica. A 18, e continuavo a suonare. Ho lavorato per 6 anni e mentre lavoravo pensavo sempre che il mio sogno nella mia vita avrei voluto fare dell'altro, avrei voluto continuare a suonare e a vivere di musica, a cercare di realizzare il mio sogno. E allora mi sono guardato allo specchio e ho deciso basta, non lavoro più e faccio solo musicista e ho iniziato a scrivere canzoni e è uscito fuori questo disco che mi ha portato insomma fortuna per adesso. Voilà, alors il dit qu'en fait même s'il a appris effectivement et commencé à jouer de la guitare à 12 ans, il a d'abord commencé par travailler à l'usine en fait, une usine de pétrochimie pendant 6 ans et puis un jour il s'est dit que sa vie c'était pas ça. Et il a décidé de tout arrêter et de faire de la musique et il a enregistré son premier disque qui a été un succès et qui lui a permis voilà, d'être là avec nous ce soir. Alors ce premier album s'appelle Soul Searching et ça a été un vrai coup de cœur pour nous. On a vraiment aimé ce premier disque, les arrangements sont vraiment très léchés, je ne sais pas comment tu vas traduire ça. D'ailleurs on en profite pour rappeler que ce soir encore comme le mois dernier, d'ailleurs il y a Christian à la traduction et ça nous est d'une grande aide. Donc voilà, un album avec beaucoup d'instruments et toi-même tu joues beaucoup d'instruments. Est-ce que tu peux nous citer un peu tous les instruments que tu pratiques et comment tu as rencontré ces instruments? Notamment, il y a du bouzouki, il y a de la guitare Weissenborn, il y a de la mandoline harmonique. Ecco, dunque dice che il tuo disco è molto impressionante perché gli arrangiamenti sono veramente... No, in Francia, ti spiego perché ridono, perché in Francia si dice quando un disco suona così, c'è molto lavoro negli arrangiamenti, si dice gli arrangiamenti sono molto leccati. In Francia si dice così, in Italia non so. Dunque... C'è molto lavoro dietro questo disco e poi suoni tanti, tanti strumenti diversi. Puoi dirci tutti gli strumenti che suoni? Io ho iniziato con la chitarra acustica, poi la chitarra elettrica Weissenborn, o anche chiamata lapsteel, che è quella chitarra che si suona in orizzontale, bouzouki, mandolino, resofonico che ho questa sera, armonica e poi basta. Ça, j'ai compris. Voilà, vous avez tout compris. Ouais, basta, on a compris, basta. On a pratiquement tout compris, Christian, finalement. Bon. Moi, je voulais juste savoir deux choses. D'abord, la mandoline harmonique, je ne sais pas trop ce que c'est. Et puis, je sais qu'il y a une relation très spécifique avec les instruments à cordes, et notamment cette guitare Weissenborn que nous connaissons par Ben Harper, entre autres, puis aussi Olivier Gauthier et d'autres. Il paraît même qu'il est tombé amoureux de la guitare Weissenborn. Allora, ci sono due strumenti che voleva sapere un po' di più. Prima, noi non conosciamo il mandolino armonico. Il mandolino in realtà si chiama mandolino, quello che ho io qui. Il mandolino è uno strumento tipico italiano, no? Io però ho deciso di suonare il mandolino resofonico, which is resophonic instrument, e ha un cono di metallo che aiuta ad avere un suono a volume più alto e quindi è resofonico, a sonorità tipicamente blues, ragtime, anziché quelle sonorità del mandolino proprio italiano. Va bene. Donc cette mandoline harmonique, voilà. C'est en fait c'est la base, c'est une mandoline typique instrument italien, mais qui comporte un cône en métal de manière à augmenter le volume du son et qui donne cette sonorité grâce à laquelle il peut jouer du blues. Comme voilà. Un dobro finalement, une guitare nationale. J'ai l'impression qu'il y a ce côté métallique, ouais. Si et poi sei sembra che sia tu sia innamorato della quella chitarra lap steel Weissenborn. Sì, vi spiego come ho iniziato a suonare questo strumento. 4 anni fa ho comprato una chitarra acustica da un mio caro amico e poi questo caro amico in realtà quella chitarra acustica la rivoleva, c'era affezionato, perché lui mi ha detto: io senza quella chitarra acustica non riesco più a scrivere canzoni. Allora io mi sono sentito un po' in colpa, ho detto: cavolo, te la ridò, ma tu che cosa mi dai? E allora mi ha dato 3 chitarre lap steel e è arrivato a casa mia con queste custodie piene di questi strumenti, 3 lap steel, e io me li sono trovati in casa e ho iniziato a sperimentare questi suoni e mi sono innamorato perdutamente e quindi ho continuato a studiare, ho preso un paio di lezioni da un hawaiano via Skype e poi attraverso i dischi di Ray Cooder, Ben Harper, ho iniziato a suonare, a studiare questo strumento. Oui, alors, c'est une belle histoire, en fait, il avait acheté une guitare acoustique il y a 4 ans à un ami et en fait cet ami après coup l'a regretté et en fait il s'est rendu compte qu'il était vraiment très très attaché à cette guitare à tel point qu'il lui a dit: j'arrive plus à écrire des chansons sans cette guitare. Et donc il lui a dit: bon bah attends, je vais te la rendre vu la relation que tu as avec cette guitare, mais toi alors du coup qu'est-ce que tu me donnes en échange, quoi. Et donc cet ami lui a donné 3 guitares lap steel dans leur étui et donc il ne connaissait pas du tout et c'est comme ça donc il s'est mis à en jouer. Alors à la fois avec un prof grâce à Skype pour apprendre la guitare hawaïenne et puis sur l'influence de ce que fait Ray Cooder et Ben Harper et effectivement comme tu le dis, oui, il est tombé éperdument amoureux de ce style de guitare. D'ailleurs tu parles de Ray Cooder, je crois savoir que dans quelques instants tu vas jouer un titre qui s'appelle Crazy Bat and Automobile, qui n'est pas un titre écrit par Ray Cooder mais qui a été popularisé par Ray Cooder. Donc dice, poi ci suoni un brano che è stato popolarizzato da Ray Cooder, anche se non è lui che l'ha scritto, Crazy About an Automobile. Sì, assolutamente. Questi ritmi che Ray Cooder ha riportato in scena, diversi dallo shuffle, dal ritmo in 6 ottavi blues classico, sono ritmi un po' creoli, sono ritmi che hanno un po' di Francia anche dentro, perché in Louisiana c'erano molti francesi, Zydeco, Cajun music, e sono dei ritmi fantastici da suonare con lo slide e quindi questa sera vogliamo rendere omaggio a uno dei musicisti che mi ha cambiato la vita, insomma mi ha aperto molto la testa, ecco, al livello di chitarra, ecco. Oui, il dit qu'en effet, Ray Cooder, c'est un guitariste qui lui a vraiment ouvert l'esprit au niveau des possibilités de rythmiques notamment, parce qu'il dit que c'est vraiment quelqu'un qui, effectivement, a assimilé toutes ses influences, Zydeco, Cajun, etc., Nouvelle-Orléans, dans la musique, et qui a permis vraiment de populariser ces rythmes qui changent des rythmes habituels, blues, qu'on a l'habitude plus souvent d'entendre, et voilà, et qu'il adore jouer, quoi. Il y a également un instrument qui s'appelle le bouzouki, qui est un instrument qu'on entend plutôt dans la musique irlandaise habituellement. Comment tu l'as rencontré? Et je crois savoir que tu l'accordes d'une façon assez spéciale, ce bouzouki-là. Alors, dice che suoni anche il bouzouki, ma irlandese. Dunque, come l'hai incontrato questo strumento? E poi dici che hai un modo di sintonizzarlo, di accordarlo, che è un modo tuo. Sì. Molti degli strumenti che uso a corda, grazie proprio alla chitarra hawaiana, che è accordata in accordatura aperta, open tuning, ho iniziato a sperimentarli suonandoli in accordatura aperta. Ed è incredibile perché ogni strumento lascia il suo paese d'origine e diventa uno strumento con cui si può suonare musica africana, musica blues, musica indiana. Anche molti degli strumenti indiani sono accordati in accordatura aperta. È l'accordatura più semplice da suonare perché tu tocchi le corde et la chitarra produce già un suono gradevole all'orecchio. Oui, donc il expérimente beaucoup les accords ouverts, l'open tuning, et effectivement, le bouzouki irlandais, mais comme d'autres instruments, il dit à partir du moment où tu commences à expérimenter ce genre d'accordage, ça te permet, effectivement, quand tu es en accord ouvert, tu peux jouer même sans mettre de doigts dessus, déjà, tu as déjà un accord qui sonne, et du coup, tu peux te libérer, c'est-à-dire oublier le pays d'où vient l'instrument pour jouer toutes les musiques qu'il aime. Et voilà, donc ça a l'air d'être quelqu'un qui expérimente beaucoup de choses et vraiment passionné. Amoureux et passionné de ses instruments. Alors justement, quittons un instant les instruments pour parler un peu des formules de groupes avec lesquels il joue, parce qu'il joue en solo, il joue en duo, il joue en groupe, en quartet comme ce soir. Et en duo, j'ai eu l'occasion de te voir en duo avec Ismaïla Mbaye, qui est un percussionniste sénégalais lors du Challenge. Il faut quand même signaler que Lorenzo était finaliste au Challenge international du Cahors Blues Festival, où tu as gagné notamment un prix d'un festival en Croatie. Et juste en quelques secondes, est-ce que tu peux nous raconter justement cette rencontre, avec Ismaïla, qui est un natif de Gorée, donc, dont on sait bien que ce fut l'île où on mettait les esclaves avant de partir de l'autre côté de l'Atlantique. E puoi raccontarci un po' la storia del tuo incontro con Ismaïla? Sì, io suono anche da solo, molto spesso è il modo in cui ho incontrato Antonio, no? Stavo suonando in Francia e in Spagna. E poi ho sempre letto libri sul blues, insomma il blues sappiamo tutti che non è americano ma è africano, è arrivato dall'Africa sia la parte armonica che la parte ritmica. La parte armonica si dice che sia arrivata dal Mali e la parte ritmica proprio dal Senegal, dall'isola di Gorée in particolare. Era il punto dove più a occidente, no? Il punto dove partivano gli schiavi. Quindi Ismaïla è proprio combinazione di quel paese lì, e l'ho incontrato perché volevo unire una radice pura della musica blues al mio set acustico, e quindi abbiamo iniziato a conoscerci, a suonare. Ci siamo incontrati direttamente suonando su un palco e non avevamo mai suonato prima, e ci siamo trovati benissimo, e così questa avventura continua. Siamo andati a Cahors e quest'estate andremo anche in Croazia. Bon, encore une très belle histoire, parce que il dit que il est vraiment passionné par le blues, il a lu énormément de livre sur le blues, et donc il dit que en fait le blues n'est pas né en Amérique mais vient d'Afrique, et qu'il a notamment deux racines qui sont le Mali et le Sénégal. Le Sénégal pour l'aspect rythmique et le Mali pour l'aspect mélodique. Et donc il a voulu aller à la rencontre de ses racines, et il a eu l'occasion donc de rencontrer Ismaïla mais sur scène, et ils n'avaient pas répété ni rien, et ils se sont mis à jouer ensemble, et ça a été tout de suite magique, ça a tout de suite fonctionné, et donc ils continuent de jouer ensemble, et cet été encore ils vont faire une tournée en Croatie ensemble. Voilà. Lorenzo Picon est notre invité, il vient nous parler de cet album Soul Searching. On le retrouve sur la scène du Blues Café Live en direct du Millennium de l'île d'Abo. Red and white smokestacks on the horizon. Against the darkness, September sky. The moon is shining like a diamond. Road ahead is long and winding. When you're on top, feels like flying. Like you won't ever touch the ground. But gravity always comes back fighting. Stronger than the last breakdown. Needle and shotguns, trouble and light. Thunder and lightning, I hear them strike. Love and the kick drum, hit one more time. And it's far too far from the place so high. darkness dance me, holding me under, like you've been calling me by name. But I ain't getting any younger, and now I'm ready to face the pain of needle and shotgun. It's far too far from the place so high. And your circus is hanging down. They try to make me think it's something new. Well, this time though, I won't back down. I wanna break free of those cool. It's far too far from the place so we'll be right back. turning back. Turning back, well, I need to turn him back. Well, I got no need to turn him back, but I just want you to. Lorenzo Picon dans le Blues Café. On va lui demander de nous rejoindre. On va parler encore de cet album Soul Searching, qui est le véritable premier album de Lorenzo Picon, puisqu'il y avait eu un premier EP en 2014 qui s'appelait Turning Back. J'ai envie déjà de demander quelle est la signification de ce titre. Soul Searching. Ti vuoi spiegare il significato di questo titolo? Sì, io insomma vedo la musica come sempre un percorso di vita, no? Ogni giorno bisogna studiare, bisogna praticare, ci sono i momenti in cui le cose vanno bene, in cui le cose vanno male, ci sono vari generi diversi, ogni genere mi dà sensazioni diverse. Di conseguenza Soul Searching è un percorso di ricerca dell'anima, di chi sono io, e spero che insomma questo percorso di ricerca mio sia condivisibile anche dagli altri. Allora, Soul Searching, la traduzione c'est donc à la recherche de l'âme. Et c'est vraiment parce qu'il est à la recherche de lui-même à travers la musique. Quand il joue, vous avez dû le remarquer, là, dans un seul morceau, on a eu plein de genres différents. C'est passé par du reggae, du jazz, de la soul, de la funk. Pour lui, chaque genre lui apporte quelque chose. Et il va à la rencontre de lui-même dans ce disque. Et il espère que justement les personnes qui vont écouter son disque iront aussi à sa rencontre. C'est toute cette quête de lui-même et du partage avec les autres, voilà. Est-ce que c'est pour poursuivre cette quête que tu as autant voyagé? Notamment, tu as fait beaucoup de voyages aux États-Unis, tu as beaucoup voyagé en Europe, mais vraiment beaucoup aux États-Unis. Est-ce que c'est pour aller aussi sur les terres du blues, pour mieux comprendre cette musique, que tu es allé là-bas? Donc, hai viaggiato moltissimo. Dunque sarebbe sempre nella questa ricerca, come nel titolo, sei poi tanto in America, e per questo che hai viaggiato così tanto? Sì, io sono stato la prima volta negli Stati Uniti grazie a un mandolinista con cui suono, che si chiama Carlo Aonzo, che è un mandolinista famoso negli Stati Uniti, è uno dei migliori al mondo. Io sono molto fortunato di suonare con lui. Mi ha portato lì la prima volta 4 anni fa. E ho iniziato a vedere insomma la musica da vari punti di vista diversi. Poi l'ascolto di artisti come Bob Brosman piuttosto che Ray Cooder mi ha aperto proprio il modo di pensare. Non ho più pensato come un chitarrista e basta, ma come un uomo che voleva fare musica, insomma, e musica che lo facesse stare bene. Quindi ritmi diversi, lì c'è anche un pezzo jazz, c'è anche un pezzo con sonorità più reggae, un pezzo acustico, un pezzo shuffle, soul, c'è un po' di tutto, sì. Mentre invece nel secondo disco che ho appena registrato adesso negli Stati Uniti è un disco più cantautorale, più da songwriter. Donc c'est grâce à un mandoliniste très connu qui s'appelle Carlo Aonzo, très connu aux États-Unis, et avec qui il a la chance de jouer. Donc c'est grâce à cette rencontre qu'il a pu effectivement autant voyager aux États-Unis. Et effectivement, ces voyages aux États-Unis lui ont permis d'aller à la découverte de tous ces instruments et de ces musiques, parce que pour lui, donc c'est effectivement cette quête qui lui permet d'être bien, en fait. C'est à la recherche du bien-être. Alors il dit ça, c'était valable pour ce disque, parce que le disque qu'il vient d'enregistrer, qui sortira donc, est plus tourné vers le côté auteur, en fait, que cette variété qu'on peut entendre dans ce disque-là, quoi. Alors justement, tu parles d'un album en préparation, pratiquement terminé, dont on n'a pas encore eu la primeur, et je crois que cet album a été enregistré à Nashville. Hai registrato a Nashville il tuo disco che sta per uscire? Sì, io sei mesi fa ho spedito questo disco Soul Searching agli studi della RCA Victor a Nashville. Non ho mai ricevuto risposta nei mesi successivi, al che un giorno di settembre, fine settembre, inizio ottobre, ricevo una telefonata da una mia amica di Nashville, che è una signora che insomma è sempre stata nel music business, che ha sentito il disco e lei è appena guarita da una malattia e durante il suo percorso insomma di guarigione questo disco le ha tenuto compagnia e quindi mi ha detto: io voglio aiutarti, e visto che sono ancora viva. E io gli ho detto: bene, io ho 25 canzoni pronte, e facciamo un disco. E lei mi ha prodotto un disco a Nashville, agli studi della RCA. Ho avuto il piacere di avere anche un ospite come Steve Cropper nel disco, e in una traccia che è la prima traccia che si intitola Greenhouse. Voilà, on a plein de belles histoires ce soir. Là, c'est grâce à une rencontre. En fait, c'est une personne qui suit notre ami qui habite Nashville et qui a eu une grave maladie. Et en fait, son disque Soul Searching l'a aidé pendant sa maladie. Et elle s'est sortie de cette maladie et elle lui a permis d'enregistrer dans les studios de RCA à Nashville et de produire son disque, et avec lequel il a eu le plaisir, par exemple, de jouer avec Steve Cropper. Alors, tout à l'heure, on parlait quand même de ce titre, Soul Searching, le titre éponyme de l'album. Moi, j'avais lu aussi que ce titre faisait référence à une pratique chamanique dans le sud des États-Unis. Mais on note aussi en même temps dans ce titre, et c'est peut-être le seul de l'album, qu'il n'y a pas d'instrument ethnique. Alors, si c'est une référence à une pratique chamanique, on aurait pu penser qu'il y en ait, alors que dans les autres morceaux, il y en a un peu plus. Et d'une manière générale, d'ailleurs, la plupart des morceaux qui suivent sont assez proches de ballades, envoûtantes. Questo disco, il solo titolo, dove non ci sono strumenti etnici, world, è Soul Searching. Sembra un po' strano, no? Sì, in realtà abbiamo voluto lasciare fuori gli strumenti etnici da questo brano, che in realtà è l'unico brano del disco senza strumenti etnici. Abbiamo voluto lasciare più, diciamo, crudo, si dice? Sì, più essenziale possibile. Quindi sì, no, è l'unico brano dove non abbiamo strumenti. Cioè, Soul Searching lo facciamo noi, io con la mia chitarra, che è lo strumento principale con cui ho iniziato a suonare, basso, batteria, Hammond. Donc oui, effectivement, c'est ce que tu dis, c'est bien le seul morceau qu'il a volontairement laisser dépouiller à l'essentiel, vraiment, voilà, parce que il avait une importance particulière, ce morceau, pour lui. Et poi dici che ci sono anche tante ballate, pezzi lenti. Sì, io sono un fan dei pezzi lenti, mi piacciono da morire. Le ballad sono il momento in cui riesco a suonare poche note, ma magari più lunghe, e quindi me le gusto di più. Lui dit qu'il aime beaucoup les balades, ce qui explique la présence de nombreuses balades. Il dit que dans les balades, il a la possibilité de jouer moins de notes parce qu'il les joue plus longtemps. L'album est, on l'a dit, très très très riche en matière d'arrangement. Est-ce que c'est toi qui travaille là-dessus également? Hai lavorato tu tutti questi arrangiamenti leccati, come si dice in francese? Sì, noi, voi dite leccati, noi diciamo pettinati. Simile. E sì, ho lavorato io, ma assieme ai musicisti che ho qui questa sera, con Andrea Marchesini alla batteria, che ha suonato con Mike Stern, Jonas Hellborn, Sean Lane, ha fatto dei tour in India, insomma è un onore averlo nel disco, e lui ha portato insomma il suo grande bagaglio di esperienza dalla parte ritmica, e Federico Fugas al basso, che anche lui è un bassista eccezionale, uno di quei bassisti che suonano poche note ma giuste, e che lascia molto spazio appunto in fase di arrangiamento per altri sovraincisioni, il che è molto importante, e Marco Ferrando, che non è l'organista che abbiamo questa sera, ma Marco ha un passato più jazz, quindi insomma ci siamo trovati un po' a dover decidere che tipo di accordi usare, piuttosto che più folk, blues, o piuttosto che jazz. jazz. E poi ho avuto appunto anche ospiti nel disco come Carlo Onzo, Ike Stubblefield, che è un Hammondista virtuoso di Atlanta, Georgia, e c'è Stefano Ronchi, che è un chitarrista italiano emigrato in Germania. E poi c'è anche Maurizio Pettigiani, le percussioni. Ho avuto un grand piacere, insomma, avere questa bellissima compagnie. Donc, en fait, il a cité tous ces musiciens. C'est pour dire que ces arrangements qui sont peignés, on dit en Italie, et pas léchés. Il dit que ces arrangements aussi, ils viennent pas d'une profusion d'instrumentation ou de notes, etc. Il dit que ces grands musiciens qu'il a eu la chance d'avoir avec lui sur ce disque, ce sont aussi des grands musiciens dans le sens où ils jouent peu de notes et laissent de l'espace aux autres. Et c'est ce qui fait que les arrangements sont venus aussi de la grande expérience de ces musiciens qui savent ne pas jouer, en fait, et se placer au sein du groupe. Merci beaucoup, Lorenzo. Grazie mille. On va te retrouver sur la scène du Blues Café Live pour quelques morceaux encore. Et je crois que ce ne sont pas des morceaux extraits de cet album, mais ce sont des petites surprises. Voilà, merci beaucoup, Lorenzo. Et à très bientôt dans le Blues Café Live. Et puis, si tu veux bien, Cédric, En attendant que Lorenzo aille sur la scène rejoindre ses musiciens, je voudrais d'abord qu'on applaudisse Christian Biral à la traduction, parce que non seulement il traduit, mais il comprend, il intègre l'homme qu'il est en train de traduire, si je puis dire, et tu l'as vraiment très bien fait. Oui, en fait, tu t'en sais rien, parce que ça se trouve, j'ai raconté n'importe quoi. D'accord. J'en profite puisque tu es là. Tu es aussi. Il n'est pas que traducteur. Voilà, il n'est pas que traducteur. Il est aussi chanteur. Il est aussi chanteur et guitariste aussi d'une formation dont tu fais partie toi-même, Cédric. Il paraît. Et qui s'appelle les Chic Types. Tu es le leader, tu es le chef, tu es le boss, quoi. Cédric qui fait la basse. C'est celui qui fait rien derrière. Et je crois savoir que vous êtes en train de travailler sur un gros projet qui sera un peu différent des autres et des précédents albums. J'aimerais que tu nous en dises deux, trois mots, parce que il va pas être fait tout de suite cet album, mais c'est un projet bien particulier. Oui, alors tu dis différent des autres, en fait tous nos projets sont différents les uns des autres. Je pense que tu nous connais depuis longtemps, t'as dû remarquer qu'on aime à chaque fois explorer des horizons nouveaux. C'est pour ça que vous êtes des chic types. Voilà, et puis surtout aller faire des rencontres un peu. C'est pour ça que j'étais assez à l'écoute de ce que disait Lorenzo, parce que nous, on sait ce qu'on recherche vraiment dans la musique, c'est les rencontres. Et là, voilà, ce projet, effectivement, c'est un très beau projet. En fait, c'est parti simplement du fait que sur scène, on fait régulièrement des reprises d'un artiste qui s'appelle Hubert Mounier. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît Hubert Mounier ici. Certains le connaissent. Voilà, à Lyon, donc c'est quelqu'un de très aimé. Il a connu d'ailleurs des succès retentissants à l'époque où il était avec l'affaire Louis Trio. Et un jour, on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas enregistrer quelques titres d'Hubert pour lui rendre hommage, sachant qu'on avait dédié notre dernier album à Hubert Mounier, parce que, en fait, on a appris sa disparition pendant qu'on était en studio. Et un jour, on a bu un verre avec quelqu'un qui s'appelle Stan Matisse, qui est un artiste lyonnais également. C'était complètement pour autre chose, c'était pour trouver des plans concerts, parce qu'il a développé une structure qui s'appelle Stardust ACP. Et voilà, puis on buvait un verre tranquillement. Puis on s'est très vite rendu compte que lui aussi était fan d'Hubert Mounier. Et on lui a parlé de notre projet d'hommage. Et c'est comme ça que ce projet est devenu, a pris une autre dimension. C'est devenu un album tribute, comme disent les anglo-saxons. C'est-à-dire qu'en fait, c'est devenu un projet collectif. On pensait y mettre quelques copains, quelques groupes amis. Dans ce projet, et en fait ça a pris une ampleur qu'on n'imaginait pas au départ, parce qu'on a des personnes qui sont avec nous, comme Kent, on a avec nous par exemple Carmen Maria Vega. Donc voilà, c'est parti. Donc ça va être un album qui va être sous la direction artistique de Rico, They Call Me Rico, un autre ami, Fred Pellerin, qui est le producteur artistique de notre dernier album, et qui va assurer la coordination de cette douzaine d'artistes. Je peux les citer rapidement, j'ai cité donc Stan Matisse, Carmen Maria Vega, Kent, il y a Frédéric Bobin qui fait une tournée triomphale en ce moment, Le Voyage de Noz qui est un groupe mythique à Lyon, Nicolas K, Joe Bell, Buridan, Balmino, Billy, Denis Rivet, voilà. Et puis on a aussi des artistes graphiques, parce que Hubert Mounier c'était aussi un grand illustrateur, un grand dessinateur. Voilà sur quoi on travaille en ce moment, et ça va sortir au deuxième semestre. Je crois que tu l'as bien vendu, on peut l'applaudir en même temps, il sait tout faire. J'ai juste oublié de dire un truc. Merci beaucoup. C'est que donc c'est un album tribute, donc des reprises d'Hubert, mais il y a quand même une composition hommage, voilà, une composition des Chic Types qui était aussi au départ du projet. Merci en tout cas, vraiment merci chaleureusement, Christian, d'avoir joué le traducteur. Merci au Blues Café, merci Francis et merci Cédric. Et puis place à la scène du Blues Café avec Lorenzo Picon. You're on my mind. Every place I go. much I miss you. Nobody knows. Someday, baby, you ain't gonna worry my life anymore. Talking on on va bien. Merci pour la prochaine, ici je voudrais votre aide. Et Fred Chapelier au chant et à la guitare. Ça se passe comme ça, un Blues Café live. Merci beaucoup les amis. One, two, time to party, three, time to party. Four. Un grand merci à notre invité de ce soir, Lorenzo Piccone au chant et à la guitare. Il y avait Federico Fugassa à la basse, Andrea Marchesini à la batterie, Giovanni Pastorino au clavier. On remercie aussi toute l'équipe du Millennium qui nous a accueillis comme à chaque fois dans ce Blues Café Live. On remercie aussi François à la captation vidéo. On remercie aussi nos deux bénévoles qui assurent le catering derrière des artistes. Et on vous donne rendez-vous pour un prochain Blues Café, pour la prochaine fois. Et en attendant, eh bien, on vous laisse en finale avec un podi bonus. Merci Lorenzo Piccone, à vous. Je suis très heureux d'être ici ce soir. I'm learning. That's the moment you begin to know about the shades of blue.